Radio Web Passion. Radio Web Passion. Vous êtes dans les coulisses de Bérénie sur le festival orléanais Un autre monde. Je souhaite la bienvenue à Johnny Montreuil, mon invité ce soir. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, qui est Johnny Montreuil ? Eh bien, je suis montreuillois, comme le nom l'indique. Et il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai commencé à m'amuser à adapter des textes et des morceaux de Johnny Cash. À la sauce Seine-Saint-Denis, Montreuil, banlieue, je suis banlieusard, je suis né en banlieue, j'ai un amour pour l'univers qui se dégage de la banlieue parisienne. Alors effectivement, pas ce à quoi elle ressemble depuis 10 ans avec le Grand Paris, la gentrification, etc. Mais on va dire la vieille banlieue qu'on voit dans des BD de Tardy par exemple, ou dans des films de Melville, où voilà, vraiment cette banlieue-là, dans le Renault des années 70, dans Franck Margerin des années 70 aussi, Tranche de Brie, enfin voilà. Sans être nostalgique, puisque je vis en 2020 à mon époque, Mais moi, je trouve énormément de charme et de poésie dans cet univers-là qui existe encore. Et c'est ce que je fais avec la musique, mais voilà, sous fond de country, de rock'n'roll, de punk aussi, qui était Johnny Cash. Et voilà, ça c'est moi. Moi, je suis cette personne-là au départ, et j'ai rencontré des musiciens assez incroyables qui m'accompagnent dans l'aventure depuis 6-7 ans. Maintenant 5 ans avec cette formation-là, et on est en train de préparer notre troisième album. Voilà. Donc justement, tu me parlais de ta formation. Est-ce que tu peux me présenter? Ils sont pas avec nous ce soir. Bon, ils sont dans les loges. Hein. Mais de qui est constitué le groupe? Donc il y a moi je suis au chant et à la contrebasse. Je suis au chant et à la contrebasse. Il y a Kik qui est aux harmonicas et au chœur qui chante aussi. Il y a Ron Drugish, guitariste. Excellent guitariste, guitare électrique, et Viston Cadillac à la batterie. Et il faut savoir, donc Viston et Ronan, ils sont sur Nantes. Ils ont un groupe aussi de surf qui s'appelle Slobodan Experiment, entre autres. Steven, il est batteur dans énormément de groupes aussi, jusqu'à temps qu'on se rencontre. En fait, maintenant, ça fait 4-5 ans qu'on travaille essentiellement sur ce groupe-là, sur son... Le projet que j'ai initié au départ avec Olivier, des facéties de Lulu Sam, enfin, c'est la prod, l'homme de l'ombre en indépendant, il vient de Zamora Production, il s'est monté en freelance, et on a monté un truc vraiment solide et très humain, et qui fait voilà, qu'on existe encore aujourd'hui de manière très indépendante et très libre. Et c'est quelque chose que je tiens à souligner aujourd'hui. Parce que j'ai joué dans d'autres formations, j'ai vu d'autres formations évoluer quand on est en train de créer la nôtre, qui nous regardait un petit peu de haut, qui se moquait un peu de nous et qui n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà. Mais sans vengeance, sans rancune du tout. Mais en tout cas, voilà, je tiens à vraiment souligner son travail. On est vraiment une équipe. Il y a quatre rues, These Days, qui est sur Rennes, notre attaché de presse. Il y a Tom Toutain, qui est tourneur aussi et qui file un sacré coup de main à tout ça. Il y a Chris Guérard qui est notre ingénieur du son, régisseur son, qui a fait en 2 ans évoluer considérablement le projet. Il y avait Tétard avant. Enfin voilà, on est vraiment une équipe. Donc effectivement, on voit un personnage, Johnny Montreuil, mais il y a vraiment une grosse équipe très soudée. On n'est pas nombreux, mais on est une belle équipe derrière. Voilà. Important de le souligner, hein, les équipes. Hein. Travailler seul, ça demeure quand même impossible aujourd'hui. Hein. Enfin, en tout cas, hein. En tout cas, l'indépendance est possible, mais avec un encadrement quand même. Ben, disons qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qu'on connaît sous leur propre nom, par exemple, et de très bons artistes d'ailleurs. Mais oui, ces artistes-là, quels qu'ils soient, sans équipe derrière, ils n'existent pas. Alors tu es comment ça se passe? C'est toi qui écris, c'est toi qui compose, comment ça se passe? Moi j'écris les textes et les idées, c'est-à-dire à quoi il va ressembler le morceau, à quoi j'ai envie qu'il ressemble, qu'est-ce que j'ai en tête au départ, en sachant qu'au départ j'écris un texte, puis voilà, j'amène une chanson, on va dire, et ensuite ou une intention ou une énergie, et on travaille dessus. Voilà. Mais j'ai appris, je suis autodidacte, donc j'ai toujours aimé proposer quelque chose à un musicien digne de ce nom. Déjà, les mecs à qui je joue, et voir comment ça les inspire, comment ça leur parle, qu'est-ce qu'ils ont envie d'amener dessus, qu'est-ce qu'ils ont envie de transformer, qu'est-ce qu'ils ont envie de changer. Ça ne veut pas dire que ça va me plaire, mais on va prendre le temps de trouver la bonne sauce, trouver la bonne monture. Et à la finale, j'aurai toujours le dernier mot, on va dire, parce que je le chante, etc. Mais pas par souci d'avoir le dernier mot. Mais parce que si ça se passe pas comme ça, le morceau n'existe pas, en fait. Et on en est tous conscients ensemble, en fait. Mais c'est pas du tout pour chercher à s'imposer ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour pouvoir porter le mot, le message du morceau comme il est pensé au départ. Est-ce que tu m'as dit de quoi parlent tes textes? Tu m'as parlé d'intention, mais est-ce qu'il y a un fond commun? Est-ce que ou est-ce que c'est qu'est-ce qui t'inspire en fait réellement sur tes textes? Ce qui m'inspire, c'est vraiment la vie, ma vie en général, le quotidien, mon quotidien. Je travaille pas avec des paroliers, je travaille pas avec des chansonniers. Pour mettre en parole, j'essaye en tout cas de raconter la manière dont je me mets en vie. Donc je me mets pas en scène, je me mets en vie. Je vis en caravane, d'une manière très simple, décroissante, bon, c'est des blabla, tout ça. Même si c'est vrai, par rapport à certaines notions aujourd'hui, géopolitiques, etc. Mais moi, je vis simplement, de pas grand-chose, et par choix. Pas parce que j'étais dans la galère ou quoi. Je suis d'une culture ouvrière, populaire, je grandis en cité, etc. Mais la vie que j'ai depuis 10 ans, en caravane, dans les murs à pêche, à Montreuil, dans un cadre que j'ai choisi, que je suis allé chercher, avec des gens qui vivent un peu, qui sont un peu marginaux, je l'ai cherché. Et je me sens bien là-dedans parce qu'il y a plein de règles qu'on a aujourd'hui dans la vie qui n'existent pas en fait. Il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de taxe d'habitation, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de devoir. Par contre, il y a énormément de bon sens et énormément d'entraide. Enfin, il y a beaucoup de choses, des choses qui disparaissent, qu'on a envie. Enfin, je sais pas s'ils ont envie que ça disparaisse ou pas, mais des choses qui n'existent plus dans le sens commun des gens. Les gens, ils ont les œillères et ils sont là pour. Malheureusement, parce qu'ils l'ont pas choisi, ils sont là pour boucler les fins de mois, pour payer leur loyer, pour faire. Et moi, j'ai choisi un moment de, alors sans mépris du tout pour les gens qui subissent ça ou quoi du tout, mais moi j'ai essayé de choisir un moment d'avoir la vie que je voulais avoir en fait, et j'y arrive en étant heureux comme ça, simplement, avec pas grand chose, mais avec ce qu'il faut pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, pour que mes enfants soient heureux là-dedans. Et avec effectivement une vie beaucoup plus simple en termes d'un point de vue matériel. Donc c'est, mais en ville, je vais pas me cacher, je vais pas vivre ailleurs. Ça m'a toujours travaillé depuis tout petit, ça. Et mes chansons elles parlent de tout ça et de ce que je rencontre dans ce quotidien-là, les gens que je rencontre dans ce quotidien-là, mes rêves là-dedans, les gens que j'ai rencontrés, musiciens qui m'ont proposé une musique, qui me disent tiens ça parle de ça, donc j'écris là-dessus. Donc il y a un côté quand même urbain. Des personnages qu'on croise un peu dans cet entre-deux qui sont ni marginaux, enfin je sais pas, des gens tendres, il y a de la tendresse, des chansons d'amour, des chansons c'est compliqué hein, de dire de quoi parlent tes chansons parce que c'est pas des chansons écrites spécialement pour un tel ou pour un tel, c'est pas des commandes, mais dans le dernier album, je parlais beaucoup de l'endroit où je suis arrivé avec ma caravane, des gens que j'ai rencontrés, des gens que j'ai croisés, des Roms. Mais c'est toujours sublimé, c'est toujours un peu romancé, c'est toujours voilà. Je parle des musiciens avec qui je joue. Voilà, je sais pas de quoi je peux dire encore. J'ai parlé des villes dans lesquelles je suis allé qui m'ont plu. J'ai parlé de voyages. J'ai parlé d'errance. J'ai parlé de. C'est-à-dire une vie qui était presque fantasmée quand j'avais de 25 à 35 ans et qui maintenant est réelle en fait. C'est-à-dire que j'écris des chansons au départ et je suis allé vers ces chansons-là dans ma vie réelle. Donc aujourd'hui j'écris sur cette vie-là et des gens que je rencontre clairement dans cette vie-là et là où ça va m'amener encore derrière. Donc là on travaille sur le prochain album. Les textes qui sont là. Je parle aussi de chanteurs que j'ai bien aimés. Je parle de comment je les verrais aujourd'hui dans ce monde actuel aujourd'hui, qui est quand même assez particulier. Je parle de mon histoire aussi, où j'en suis aujourd'hui. Enfin voilà, un peu plus de recul, mais bon, sans aucune prétention. Donc là, justement, je voulais parler de ton actualité. Donc là, c'est la préparation de la sortie de ton album, ton prochain album. Parce que tu en as sorti un en 2019, donc j'ai noté Narvalo Forever. Ouais. Et donc là, le prochain. Donc on a sorti un maxi 45 tours là, qui arrive, qu'on a sorti en numérique avant l'été avec un clip et qui arrive en format physique en octobre. Et à partir de novembre, on enregistre le troisième album. Donc on prépare pas la sortie, mais c'est pour 2022. Alors justement, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu m'as parlé de clips. Et j'aimerais qu'on en parle, hein, parce que les clips, il y a quand même un univers. Hein. On ressent l'univers vraiment, ton univers. Tu travailles toujours avec le même réal. Enfin, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est toi qui écris le scénario? Ce sont des mini-films un petit peu. C'est qui fait le scénario? J'aimerais que tu m'en dises plus quand tu me dis on ressent ton univers. Alors, moi, j'avais noté quelques mots-clés qui m'avaient aidé. J'avais noté, alors, j'ai marqué cirque, caravane, Montreuil, terrain vague, manouche. Pour moi, c'était des mots-clés qui étaient importants et qui caractérisaient un petit peu ton univers. Bien sûr, ça, c'est mon opinion, mais peut-être pas, c'est peut-être pas forcément. Je pense que c'est des mots-clés qui peuvent peut-être te représenter. Est-ce que je suis à côté de la plaque? Non. Mais tout ça, c'était fortuit, en fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en caravane avec des Roms et dans des terrains vagues, un peu parce que je cherchais un endroit à me placer et que j'avais plus du tout envie de vivre en appartement ou j'ai pas envie de. Enfin, faut quand même considérer que c'est une énorme arnaque, c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui, en fait. Et je pense que la plupart des gens sont victimes de ça et le subissent. Elles sont pas responsables de ce foutoir, en fait. Elles le subissent complètement et font ce qu'ils peuvent pour essayer de s'en sortir, de faire ce qu'on leur dit de faire, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont des passions, parce qu'ils ont une vie, ils ont pas envie d'être à la rue. Donc ils font malheureusement un peu ce qu'on leur demande de faire, ce qu'on leur dit de faire, de rester chez eux, d'être confinés, de mettre le masque, de continuer à travailler, d'aller se vacciner, de faire ce qu'on leur dit de faire, mais ils ne sont pas du tout maîtres de leur propre vie. Moi, encore une fois, voilà, je me suis retrouvé en caravane à Montreuil, en banlieue, quoi, pour rester avec le maximum de recul par rapport à tout ça et de pouvoir être le maximum décideur de ma propre vie. Donc on parlerait plutôt de liberté, finalement. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce mot-là? Complètement. Donc ouais, le maître mot, le plus important, c'est la liberté. On parle de liberté. Liberté sans se marginaliser. Choix, le choix de la liberté sans se marginaliser. La liberté de vivre comme on a envie de vivre, où on veut vivre, sans avoir besoin de se cacher, ni de se mettre en communauté, ni de sortir des milieux où on est. C'est-à-dire que, voilà, je vis pas en appartement, mais je vis pas dans une maison. Mais je vis en ville comme tout le monde, mes enfants sont à l'école en face et je suis pas vindicatif. Je revendique rien là-dedans, à part la normalité, à part tout le monde devrait vivre comme ça s'ils ont envie et c'est possible. Et vraiment. Alors finalement, c'est un luxe. Tu vis dans le luxe là. Parce que tu vis dans... Oui, non, mais c'est ça. C'est ton luxe. Complètement. C'est un luxe. Où tu te vois dans les deux prochaines années? Je me vois beaucoup sur les routes. Je commence à participer aussi. Je participe à des films, à des téléfilms, sur des tournages, en concert, en voyage dès que je peux avec mes enfants. J'ai une chérie aussi qui habite sur un bateau. Je me vois en mer. Voilà. Où est-ce qu'on peut t'écouter au-delà des concerts? Parce que tu as quand même une belle tournée. Tu as eu une belle tournée là. J'ai regardé ces derniers mois quand ça a été possible, on va dire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dates. Donc bravo à ton tourneur, enfin à tous ceux qui ont mis la patte d'ailleurs. C'est-à-dire que voilà, c'est beaucoup de gens qui ont appelé pour. Ça, c'est les potes. Ils peuvent klaxonner. Voilà. Donc oui, on a eu une belle tournée, on a une belle reprise de date. Beaucoup de gens nous ont appelés pour nous faire jouer. Olivier, Tom, on fait beaucoup d'appels, beaucoup de dates qui ont été reportées. Enfin, ils ont été là, ils nous ont suivis, soutenus, ils ont soutenu le projet, ils le soutiennent depuis le début. Donc ça, c'est cool. Et là, on arrive fin de tournée, fin d'été. On est le 28 août. Donc après, on rattaque sur septembre, on a des plans, on a des choses. On a un tournage aussi avec le groupe là pour France 2. On a des. Voilà, on a des. On a le prochain enregistrement sur tout ça qui me tient à cœur et tout. Et voilà. Quelle était ta question? J'ai oublié, excuse-moi. Où on peut t'écouter? Sur quelle plateforme? Alors, Spotify, Deezer, sur toutes les plateformes de téléchargement. On a nos clips en ligne sur YouTube. Voilà. Super. Sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook qu'on entretient. Pour parler de nos concerts, pour annoncer des choses plus locales. Mais voilà, on fonctionne aussi beaucoup avec le bouche à oreille sur les petits lieux, sur des petits endroits où on passe. En gros, sur la toile, vous pouvez nous trouver sur, euh, Spotify, Deezer, voilà, comme je viens de le dire, sur les réseaux habituels, plateformes de téléchargement, etc. Blabla. Alors, moi, j'ai deux dernières questions avant de se quitter. Quel conseil tu peux donner à des artistes débutants qui ont envie de se lancer, toi maintenant qui as un grand recul Non, j'imagine, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu? Ça fait depuis 2008 que je me dis que je dois faire ça vraiment, je dois faire que ça. Donc le seul conseil que je peux donner à n'importe qui, c'est de faire ça à fond, sans concession, sans avoir un truc à côté, et voir ce qui se passe. Et au moins se rendre compte de ce qu'on peut faire, notre potentiel, de là où ça nous mène, de pas trop calculer, de foncer tête baissée. C'est le seul conseil que je peux donner. Mais il y a tellement de manières de faire de la musique différente. Il y a tellement de musiques différentes. Chaque musique, on peut la pratiquer de manière complètement différente. Il y a énormément de chance là-dedans, dans la réussite, etc., dans la musique et tout. Je dis pas que j'en ai eu, moi. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis allé chercher le maximum de choses que je pouvais aller chercher sans attendre que ça me tombe dessus. Et voilà, il y a des enfants et ils ont appris la musique avec leurs parents, donc ils partaient de zéro. Ils devaient se construire. Moi, je suis parti de moins 30, moins 20. Mais je connaissais rien du tout. Je suis parti tout seul à l'aventure. La musique, c'est une aventure. Donc il faut la prendre vraiment au jour le jour. Il faut vraiment la prendre comme avec énormément d'humilité, de poésie, de cœur, de temps, de bien-être. On n'a qu'une vie, donc faut pas passer à côté. Faut pas avoir de regrets 20 ans après en se disant j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Vaut mieux se planter. Et quand on se plante, on rebondit. Mais surtout quand on a 20 ans, faut y aller à fond, sans concession, vraiment aucune. Faut y aller. Alors, je vais te souhaiter bien sûr bon concert. Et une toute dernière question, est-ce que tu peux me sélectionner deux titres, alors de toi ou de quelqu'un d'autre, que nous mettrons à la suite de cette interview? Qu'est-ce qui te vient en tête? Mother of Earth de The Gun Club et Dead Wrong de Hani El Khatib. Eh bien, on écoutera tout ça après ton interview. Nous avons en tout cas été très, très, très touchés de t'avoir dans les coulisses. Donc, dans mes coulisses, bien sûr. De Bérénice. De Bérénice. Je te souhaite plein de bonnes choses. Continuez à rester dans ton luxe. Voilà. Je pense qu'on aimerait tous être à ta place, en fait. Voilà, mais... C'est ce que je dis à ma fille. Ce que j'essaye d'expliquer... Sans lui faire la morale, sans rien, mais on est dans un endroit, un jardin, on était bien. Des gens qui nous voient, ils me disent on est comme Onzo, ils nous voient, on est pauvres. Je fais, tu sais, tous les gens qui passent là, ils aimeraient être à notre place. Voilà, exactement. En tout cas, je te souhaite un bon concert et je te dis à bientôt, Johnny. Merci Bérénice et bonsoir à tous. Merci beaucoup. Speak nothing to me.